peu à peu, je délivre ma tristesse. Tout ce que j'ai pas pu dire, laissant ma plume écrire le pire. De tout ce qui me fait souffrir, peu à peu, j'ai vu ma femme sentir l'odeur d'un autre, son parfum remplaçant le mien. Mais pour trop de regrets, entre autres, peu à peu, elle m'a perdu. Pour du sky que l'autre son crée, c'était triste quand j'ai vu que je valais pas 40 degrés. Peu à peu, j'ai vu ma vie s'éloigner de mes objectifs. La bague au doigt, trois enfants, grand espoir d'un bon vieux kiff. Peu à peu, je me renferme, je me sens seul dans mon coin. Je vends mes potes pour du shit, du bon somme dans mon joint. Peu à peu, je pense à toi, c'est mon âme qui part aux cieux. Et puis, quand je te regarde, c'est des larmes qui sortent mes yeux. Peu à peu, je taille mes veines, trop de haine qui coule en moi. Circule depuis trop longtemps, laissant mes sentiments sans voix. Peu à peu, je l'ai détesté, mais la quitter, ça me rendait ouf. Je vous crache tout ce qui va pas, c'est mon cœur qui sort de ma bouche. Peu à peu, mon étoile part dans une autre galaxie. Pour la rechercher, je marche à pied. En amour, y'a pas taxi. Peu à peu, je comprends plus ma ni les rats. Ces prises de distance, l'amitié, c'est comme le sport. Certains ont une dispense. Peu à peu, j'ai vu mon ex revenir vers moi par débile. Je sais très bien que je suis pas athlète, hein. Je suis pas débile. Peu à peu, je crois en un dieu. Une sorte de force négative, car le mien me fait faire des conneries. Une putain de pensée intensive. Peu à peu, j'ai vu cette meuf me plaire. Elle m'appelait tous les soirs. Pas vraiment prête à se mettre en couple, y'a tellement de choses qu'elle me faisait croire. On discute, on se rapproche, on s'embrasse, mais t'as bien vu, c'était falche. Elle est partie avec le premier venu. Peu à peu je grandis et je me rends compte que rien ne va, que le bonheur c'est du hasard, une sorte de grande bataille navale. Peu à peu je vois les médecins se tromper, faut qu'ils arrêtent la bière. Même avec vos prescriptions, je me sens mal pareil qu'hier. Peu à peu j'ai vu se forger un caractère pessimiste. Pour moi croire en ma chance c'est plus dur que de faire du hors-piste. Peu à peu tu t'évades, peu à peu tu t'effaces. Peu à peu tu t'en vas, peu à peu tu remplaces. Peu à peu j'ai vu cette pute kiffer et leur demande. Et s'ils s'autorisent le shit, moi ça me fera un tort de moi. Peu à peu moi j'ai bien vu que l'amour valait dalle que. Si je faisais ce que je disais des balles, je m'en serais mis 32. Peu à peu j'ai vu Charlène faire les 400 coups de timbre. Pour elle c'est devenu une passion, un peu comme la collection de timbres. Peu à peu j'ai vu mon meilleur pote partir avec celle que j'aimais. T'as tracé et puis on s'est revu quand jamais. Peu à peu je me suis vu lâcher et me lasser d'étudier. Je me tourne les pouces depuis que je sais que jamais je pourrais être utile. Peu à peu tout le monde s'en va. Péton n'avait pas tort. J'ai prié puis j'ai cru, mais Dieu n'avait pas le temps.